Bonjour à tous, très chers auditeurs, et bienvenue sur Radio Gémozo, pour l'instant santé et bien-être avec les secrets de Mathilde. La semaine dernière, je vous parlais du féminin sacré, et je vais poursuivre aujourd'hui. Le féminin sacré, c'est cette essence féminine primordiale présente en toute chose, et qui ne saurait se résumer à un genre biologique. Pour faire simple, le féminin sacré ne concerne pas uniquement les femmes, mais aussi le masculin sacré ne concerne pas uniquement les hommes. Les deux sont liés, dans des proportions sans cesse changeantes, qui, plutôt que de s'opposer, aspirent à se compléter et à s'équilibrer et à s'harmoniser. Si le masculin sacré est plutôt une énergie de l'action, de la division dans ce qu'elle a de nécessaire pour évoluer, de la matérialisation concrète, le féminin sacré porte une énergie de l'union, de l'intériorisation, de la gestation et de l'intuition, de l'intention. C'est une énergie qui pousse à la compréhension du sens profond et caché des choses, et en particulier à la compréhension de l'impermanence et de la nature cyclique du monde et de la vie. C'est le cycle, justement, qui régit le corps des femmes et les relie intensément avec les cycles de la lune et des saisons, et avec le cycle primordial de vie, de mort et de vie. C'est à travers ce lien qu'on peut avoir l'intuition, sentir avec les tripes le caractère sacré, pour ne pas dire divin, de cette essence qui nous guide et nous gouverne. C'est par le féminin sacré surtout qu'on se sent intensément partie d'un tout qui nous compose aussi. Et ce malgré l'influence d'une société patriarcale et ultra-rationaliste qui tente à gommer, lisser, faire taire les mystères du féminin et de ses cycles afin de mieux les contrôler, comme elle voudrait contrôler la nature, plutôt que de se sentir soumise à ses forces. Il est intéressant, pour avoir une vision plus précise de ce qu'est le féminin sacré, de faire appel aux quatre archétypes majeurs qui correspondent. Selon l'écrivain Miranda Gray, dans Les Lunes Rouges notamment, aux quatre phases du cycle menstruel de la femme, et de voir comment les parallèles se font d'eux-mêmes avec les cycles des saisons et des phases de la lune. Ainsi, nous avons en premier la Vierge. Le mot « Vierge » s'entend dans le sens « jeune fille », mais aussi dans le sens qu'on donnait à ce mot dans l'Antiquité de « femme libre », indépendante, qui n'appartient à aucun homme. C'est l'archétype qui définit la phase qui suit l'arrêt des règles, celui qui correspond à la lune croissante et au printemps sur la roue des saisons. C'est Artémis ou Vénus, le début d'un nouveau cycle, l'émergence de nouvelles énergies. C'est la phase ludique et enthousiaste, spontanée, fraîche et légère. La phase de renaissance qui souffle ses envies de neuf, sa folie douce et sa créativité. Celle durant laquelle on pourrait déplacer les montagnes tellement on déborde d'énergie à revendre. Ensuite, vous avez la mère, qui correspond à la phase d'ovulation. C'est la pleine lune et sa rondeur, l'été et sa plénitude. Ce sont les champs de blé de Déméter. Et on remarquera au passage que c'est pendant cette phase que la libido a tendance à exploser, n'en déplaise à l'image judéo-chrétienne d'une mère dénuée de désir et de sexualité. Ceci dit, ce n'est plus la sexualité ludique et un peu folle de la Vierge. Les énergies de la mère sont accueillantes, enveloppantes, matures. Elle parle de prendre soin de soi, de l'autre, de tous les autres, de la terre entière. Il est question d'être dans le cœur, dans la noblesse du cœur. Il est question de douceur, de profondeur et d'authenticité. D'une façon générale, c'est l'accueil de ce qui se présente, l'ouverture à ce qui est. En troisième, vous avez l'enchantresse, qui représente la phase qui suit directement l'ovulation. C'est l'abondance de l'automne, sa luxuriance. Et dans le même temps, l'annonce du début de la saison sombre, la lune qui décroît. C'est l'alchimiste qui intègre et amalgame en elle les enseignements de ce cycle pour en récolter les fruits. C'est la féminité qui s'exprime et séduit par et pour elle-même dans toute sa puissance et sa dangerosité. C'est la sensualité suave du parfum des pommes et un peu trop mûre, le capiteux parfum des fleurs vénéneuses, le serpent qui fascine. C'est l'attrait du mystère. L'exigence de la femme sauvage qui ne se donnera pas à qui n'aura pas l'envergure nécessaire. Le rire cinglant de Lilith en réponse à qui aura eu la prétention de la dompter sans en avoir les moyens. Et en quatrième, enfin, vous avez la sorcière qui s'exprime quand coule notre sang pour évacuer tout ce qui doit l'être. C'est le ralentissement et le froid mordant de l'hiver, l'obscur de la lune. C'est la mort qui précède la renaissance. Une période d'introspection et de retrait, de bilan et de deuil. Une période d'incubation aussi. Au plus profond de nos chaudrons, des graines qui germeront au prochain cycle. Et c'est le moment où replier nous-mêmes dans nos grottes intimes. Nous sommes les plus sensibles aux messages de nos intuitions, de nos rêves et des réminiscences des vies passées. C'est la phase charnière entre deux cycles, une porte entre les mondes, portée par la puissance de notre sang qui nous relie si intimement à nous-mêmes et à la nature. C'est le moment où nous pouvons le plus intensément toucher la magie et le sacré en nous. La sexualité durant cette phase supporte difficilement d'être moins qu'initiatique et mystique. Voilà ce que le féminin a de sacré et d'initiatique. Et comme il peut être une voie puissante d'enseignement et d'évolution spirituelle, c'est en rendant au féminin sa dimension sacrée qu'on peut guérir les blessures et accueillir à son tour le masculin, dans ce que lui aussi a de sacré. Et c'était un article de Diane Blanche. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, ainsi que sur mon site internet Les Secrets de Mathilde. Je vous souhaite une très belle journée et vous dis à vendredi prochain sur Radio Gémozo.